L'essentiel, c'est d'être aimé. Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. C'est entrer dans son cœur et n'en sortir jamais. C'est recevoir autant qu'on aimerait donner. Ne plus appartenir, en être rassuré. C'est voir la joie de l'autre et fondre de bonheur. Mériter sa confiance et devenir meilleur. L'essentiel, c'est d'être aimé. Contrairement à tout ce qu'on peut raconter, ce n'est pas la fortune ou la célébrité qui ne sont que du vin et ne font que passer. Je crois que l'important est fait du petit rien. Être attendu le soir et courir en chemin. Un des plus beaux cadeaux que nous ait fait la vie, c'est quand notre prénom a l'air d'un mot gentil. Guy, l'essentiel jour après jour, c'est le rire aux éclats d'un enfant qui accourt et qui nous saute au cœur en guise de bonjour. Que demander de plus quand ses bras nous entourent? Le reste importe peu. La seule vérité, c'est compter pour quelqu'un, quoi qu'il puisse arriver. Être un jour exilé en pays étranger et avoir dans son cœur quelqu'un qui parlait. C'est inspirer à l'autre un sentiment si fort qu'il pourrait nous poursuivre au-delà de la mort. C'est d'être aimé encore et toujours. Mon amour. Que vous venez d'entendre, évidemment, c'était Ginette Renault hier qui a fait vibrer tout le Québec, qui a fait vibrer le Québec et ceux-là qui étaient présents hier à la cathédrale et un qui était présent, c'est Roger Bullott. Salut Roger. Yeah, bonjour. Tu sais, Danny, il y a des choses hier qu'on s'est aperçu. La passion, sans aucun doute, ouais, de Ginette Renault. Moi, ce que j'ai trouvé incroyable, le choix de musique spirituelle, dont le Requiem de Mozart. T'as deux grands centres. Tu sais, quand tu penses à Mozart, la fleur est grande, mais Mozart, c'est Mozart. Puis on a choisi cette musique-là. Et les gens qui doutaient de la force de caractère de Patrick Roy, et puis s'il avait changé, oui ou non, j'espère qu'on peut tout maintenant. Ah, regarde, Patrick, moi, c'est Patrick. Moi, tu l'aimes ou tu l'aimes pas, Patrick Roy? Puis moi, je suis un fidèle de Patrick Roy. Puis écoute bien, ouais. Danny, tu n'aimes pas Patrick Roy si tu ne le connais pas. Une fois que tu le connais, tu vas aimer Patrick Roy. Ouais. C'est ça qu'il ne faut pas oublier. Des fois, on juge des gens, ouais, sans jamais les avoir rencontrés. Mm-hmm. On va l'écouter d'ailleurs, Patrick Roy, hier, au funérailles de Guy Lafleur, qui lui, il rêvait d'être Ken Dryden pour être un coéquipier de Guy Lafleur. Ah oui? Moi, je rêvais d'être un Ken Dryden pour pouvoir un jour jouer dans la même équipe que Guy Lafleur. Guy, c'était un joueur plus grand que nature, dont les exploits et les prouesses n'avaient pas de limite. C'était l'idole, le héros, l'inspiration et la preuve vivante qu'on peut, qu'on doit rêver grand. Oui, effectivement, Roger, Patrick Roy, qui voulait être vraiment un coéquipier de Guy Lafleur. Et écoute, il a compté Elle raconte sa première présence avec lui, sa rencontre lors des entraînements. Mais lui et Robinson, il y a de l'humour. Robinson qui parle en français pour commencer, quel respect. Et ensuite, ça en anglais. Puis il dit, dans les dernières semaines, on a perdu deux grands. Ouais. On a perdu Mike Bossy et Guy Lafleur. J'espère qu'ils n'ont pas besoin d'un gros défenseur pour les défendre parce que je ne suis pas pressé pour y aller. ça a tout de raison. Il y a juste Robinson qui pouvait dire ça. Ah, je ne sais pas si tu comprends. Ouais. Et tandis, Cournoyer, qui n'est pas reconnu pour ses messages au discours, finit d'une façon incroyable quand il dit, Guy, si t'es prêt à faire un autre tour, on est prêt. Puis il se met à se canter Guy. Ouais. T'as tout vu ça. T'as tout vu les différentes choses. Et le mot de Patrick Roy, quand ce qu'il dit, ce soir-là, c'était une première pour moi. J'accorde deux buts à Guy Lafleur et j'ai eu un standing ovation. Ouais, effectivement. Non, mais l'humour était là. C'était réellement une belle cinéma. Ah, regarde, c'est à l'hommage et à l'image de Guy Lafleur, effectivement. Roger, comment t'as vécu ça en Chapelle Ardente puis tout ça? Comment t'étais là présent? Évidemment, t'as très émotionnel. Ouais. J'ai passé deux jours là-bas à Chapelle Ardente et j'ai eu la chance hier d'être à l'intérieur de l'église, de la cathédrale, excusez-moi. Et lorsque j'ai sorti, j'étais justement sur le pavillon avec tous les invités. Alors là, j'ai rencontré tout le monde après. Et jusqu'à ce moment-là, tout allait bien. Quand ils ont joué My Way qui sortait de l'église, moi, c'est ma chanson que je chante. Puis là, ben, j'étais correct. Mais hier, lorsque j'ai passé à Paul Larocque, avant de passer, j'étais encore correct. Et là, il a fait un montage du service religieux. Et qu'est-ce qu'on embarquait en ondes? Je pleurais. Parce que là, j'ai vu l'intensité. Parce que la cathédrale, c'était tellement vaste, puis il y avait tellement de monde, que tu regardais autour. Tu n'avais pas le temps d'avoir de la peine. Tu regardais autour, voir qui est là. Beaucoup de joueurs de hockey, il y avait des politiciens, mais il y a des joueurs de hockey, j'imagine, les Canadiens, mais il y a-tu des anciens? Ben, j'ai rencontré Ty Domi, j'ai rencontré Darryl Sittler, Lanny McDonald, Joe Sakic s'est déplacé pour être là. Puis lui qui était avec l'Avalanche, qui commençait le premier match hier aussi, oui, c'était important. Et il jouait hier à moi. Ouais. Carey Price qui est venu me voir, qu'on a jasé, il a parlé avec Sakic, et là j'ai vu Dominique Ducharme, pas plus loin que nous, j'ai dit, Carey, on va-tu voir Ducharme? Il dit, comme il est juste là-bas. Il s'est dirigé vers Duchamp et s'était revu le sourire dans les lèvres des deux qui se croisaient. C'était incroyable. C'était un moment inoubliable. Marc Bergevin, était-tu là, oui? Oui, Marc était là, mais il n'a pas arrêté pour saluer personne. OK. C'est son choix. Mais quelqu'un, il y a un des journalistes qui m'a dit, il n'a parlé à personne. Hey, il n'est pas venu pour nous autres, il est venu pour Guy Lafleur. Oui, effectivement. Il faut regarder... C'était peut-être pas à place au jeu, là. Non, mais il est parti de la Saint-Angèle. Ouais. Je sais pas si... Il est parti de la Saint-Angèle. Ça vient ici, tu sais, là. Ni voir Guy Lafleur, pas parler aux journalistes. Est-ce qu'il a raison ou tort? Ça, c'est dur de décider. Mais moi, je trouve encore plus valable, c'est le geste qu'il a posé en allant se rendre de la Saint-Angèle à Montréal pour rendre hommage à Guy Lafleur. Ça, c'est encore bien plus important. Effectivement. Roger, on vient de vivre des deux grosses semaines, hein? Mike Bossy, Guy Lafleur... On n'a pas besoin d'une troisième. C'est arrivé un vendredi. Les deux fois, c'est arrivé un vendredi. Fait que je pensais à ça le passé. Je dis, on n'a pas. T'sais, l'histoire, jamais 203, on n'a pas besoin de ça. Là. J'espère qu'on l'a assez. Oui, effectivement. Le peuple est assez. Hey, Roger, Régent Tremblay, hier, au 91-9, a mentionné que. Puis je veux avoir ton opinion là-dessus. Il disait que le sportif, il dit le dernier. Les funérailles nationales pour un sportif, c'est probablement le dernier. Est-ce que tu es d'accord avec Régent là-dessus? Présentement, oui. Dans 20 ans, peut-être non. Présentement, oui. Je vais te donner un exemple. Attends, aurais-tu pensé que la fleur a eu des funérailles en ce moment? Non. C'est parce qu'il ne faut pas t'oublier, c'est pas juste l'athlète à qui tu rends hommage. C'est la vie que l'athlète va faire aussi. Dans le cas d'un gars comme Villeneuve, il était proche du peuple. Puis malheureusement, ça va faire 40 ans pour le tir, mais jour pour jour, samedi. Non, je sais. Ouais. Écoute, j'étais au funérailles aux quatre grands. Je sais pas si tu sais que ça fait mal. J'étais à celle de Villeneuve, Rocket, M. Béliveau et Guy. J'étais là. Et chacun avait sa présence individuelle. Il n'y en a pas un pareil. Ouais. Il n'y en a pas un. Il y a peut-être des traits, mais il n'y en a pas un pareil. Ouais. Il y aurait parce que, tu sais, le grand, c'est là, un athlète présentement, sa carrière finie, et ce qu'il va faire pendant 20 ans après, c'est ça. Faut pas oublier, c'est que Guy Lafleur a été honoré, non pas comme seulement athlète, mais ben, comme homme. Oui, je pense que c'est plus comme homme qu'on a attendu que comme athlète également, là. Oui, c'est parce que ça fait plus longtemps qu'on le connaît comme homme que comme athlète. Ouais, mais il l'a fait. On regarde ce qu'il a fait. Il y a beaucoup de joueurs qui prennent leur retraite et on ne les voit plus après. C'est pour ça que je te parle. Tu sais, ils allaient avec toutes sortes de noms, mais moi, c'est pas fin de dire ça que je veux dire là, mais moi, les gens qui méritent les finales nationales, pour moi, c'est M. sans aucun doute, M. Vigneault. Je pense à Jeannette Bertrand. Ginette Renault. Je pense à Ginette Renault. Ouais. Hein? Puis il y en a d'autres, vous allez penser à d'autres personnes. Ouais. Il faut que tu regardes l'impact qu'ils ont fait sur la société aussi, et non pas seulement leur carrière. Effectivement. Donc, c'est pour ça que des athlètes présentement, c'est que tu regardes, ils sont trop jeunes, premièrement, ils sont trop jeunes pour mourir. Ouais. ils sont trop jeunes de ne pas avoir complété leur vie. C'est parce que des funérailles nationales, tu viens de me faire penser. Moi j'ai envoyé un sportif qui a fait beaucoup, mais je pense que tu viens de me faire changer d'idée. Avant de t'avoir parlé, je pensais à Georges Saint-Pierre qui a fait beaucoup. Georges Saint-Pierre qui est un ambassadeur incroyable. Oui, t'es un athlète. T'es un athlète. Ouais. Un athlète. Mais ça prend plus que ça. Ouais. Faut que t'aies. Avec tout le respect que j'ai pour Georges Saint-Pierre, que je considère un bon ami. Ça n'a jamais été un Guy Lafleur à Montréal. Non, c'est sûr qu'on ne le voit plus. On ne le voit plus beaucoup, Georges Saint-Pierre. Non, je parle comme athlète, je te parle. Ouais. Ça n'a jamais été un Guy Lafleur, là. J'ai beaucoup de respect pour Saint-Pierre, s'il vous plaît, là. On ne pas confondre. Ben. Là, je ne suis pas d'accord avec toi, là, par exemple, là, mais regarde. C'est pas grave. On a ton opinion, mais c'est plus la personnalité que Georges. Je pense que Lafleur a plus que Georges Saint-Pierre, parce que Georges Saint-Pierre, c'est un champion du monde. C'est un initiateur du UFC. Il va au Japon. Là. Tout le monde connaît Georges Saint-Pierre. Je tiens à te dire que pendant 3 ans, Guy Lafleur était le meilleur joueur d'hockey. Ouais. Georges aussi. Non, pas oui. Ouais. Pendant 3, oui. Mais l'autre, 3 ans, puis il a continué à jouer. Regarde la carrière des deux. Ils ont tous les deux d'excellentes carrières. Ouais. Tous les deux d'excellentes carrières. Effectivement. Tu sais, parce que je vais juste dire ça. Pat Patterson, le lutteur. Aussi connu, si pas plus que ces deux-là. Ouais. Est-ce qu'il mérite des funérailles nationales? Je sais pas, je le connais pas assez. La lutte, ça m'intéresse pas du tout. C'est ça que je te dis. Mais il y a toute une carrière. Ouais. Toute une carrière. Il fait partie du temple de la renommée de la lutte. T'en as tellement. Mais il faut que tu regardes l'impact de ce que Georges Saint-Pierre va faire dans les 40 prochaines années. Sur le peuple québécois. C'est là que je pense que ça va se décider. C'est là que ça va se décider. Ouais. C'est là que ça manque un peu. Puis Georges est bien impliqué dans la communauté, là, ne pas confondre. Ouais. Il est très impliqué. Ouais. Mais Lafleur l'a fait pendant 40 ans. Ouais. Roger, merci. Merci. J'ai donné d'autres angles, là, mais. Ouais. Merci beaucoup. On va se reparler. En espérant qu'on va se parler de baseball et de hockey les prochaines fois, au lieu de dessin. Souviens-toi, je t'ai dit, je me doutais de la qualité des lanceurs des Jays. Ouais. Jusqu'à date, c'est pas trop pire. Effectivement. L'attaque aussi, c'est plus ou moins. C'est le temps que tu as score. On court pas. On va juste frapper à longue balle. Ouais. Présentement, on est assis dans une chaise baissante. Puis un frappeur de 30 circuits, 100 points produits, ça manque. Là. Puis tu as score, c'est le temps qu'il revienne aussi. Ouais. Ah oui, mais c'est pas. Oui, mais il manque parce que les autres font rien. Quand ils sont sur les buts, ils font rien. Ouais. On n'a pas d'amorti, on n'a pas de vol de but. Les joueurs qu'on a mis dans la formation devraient être des amortis et des vols de but, ça. Mais on le fait pas. Mais ça, c'est le gérant, ça. C'est tout. Roger, ça parle bien. Anthony Roger.